prendre. Marre des Wesselem, y'a quoi vendre. Je rallume un royal, je peux plus attendre. Ici on a tout reçu, mais pas la chance. Tête cramée en gros moteur, on fait ce qu'on aime. J'ai quelques produits de fou qui pourraient être fiers, c'est ton zen. J'aime tout ce qui m'a réussi, depuis petit, on le fait que par les douzaines. Wesh, ramène la monnaie, on sait ce qu'on fait, je suis dans les jazz. T'as compris ce qu'il y a à prendre. J'allume un royal, je peux plus attendre. Tu sais, j'ai ma routine. Ah ouais, mon gros, j'ai pas le temps. Les nœuds sont des passe-temps. On fera la guerre comme Poutine. Y'a un petit bébé, mais pas ce plan. J'vais m'enrichir, j'ai pas le temps. J'ai bataillé, ça finit la bouteille au goulot. On n'aime pas quand les plans sont pas carrés. Non, on finira pas sous l'eau. Tu veux nous faire, ce n'est pas assez. Aucun temps d'arrêt, toutes les astres, je les ai caillassées. Le boulot, le boulot, le boulot, mes bateaux sont présents toute la saison. Le plat de Marco n'est pas bon, vous c'est en cage, j'ai que je la saisonne. La routine, pas de mise en scène, je veux la grosse suite présidentielle. J'aime les commentaires de chez Benzé, armé comme Washington Denzel. T'as faut prendre ce qu'il y a à prendre. J'allume un royal, je peux plus attendre.